Chapitre 17e, pris au lit. Le jeune Reynaud, en tant qu'employé de ministère, croyait qu'il n'avait pas besoin de se lever de bonne heure. Il ne quittait tôt sa chambre que les jours où il devait aller en partie de plaisir, à la campagne ou ailleurs, ou bien suivre quelque entraînement sur les champs de course, afin de récolter les meilleurs tuyaux, car il était un parieur enragé. Les jours où il se rendait au ministère, il faisait la grasse matinée. Il occupait un appartement de garçon au quartier latin, assez gentiment meublé. La femme de ménage qui faisait son service, le matin à 8h30 seulement, lui disait que son café était prêt. À ce moment, le jeune Reynaud se levait, sans hâte, procédait à sa toilette, prenait son petit déjeuner et se préparait à se rendre doucement à son travail. Son travail consistait, nous le savons, d'abord à faire la lecture des divers journaux, ensuite au pointage soigné, sur les feuilles de course, des chevaux qui devaient lui rapporter la forte somme. Le jeune Reynaud était le type de ces êtres qu'on remercie d'être seulement inutiles, petit-fils d'archevêque, bâtard d'apothicaire, neveu d'électeurs influents, qui peuplent les ministères, encombrent les administrations du gouvernement. Bon à rien, on s'empresse de leur confier une charge dans les affaires de l'État. Pistonnés, puisque le mot existe, ils passent dans les ministères, suivant la fortune d'un cabinet, attendant avec impatience sa chute pour bénéficier du testament. Leur souci est de plastronner aux tribunes officielles, de profiter des faveurs et d'étaler leur odieuse nullité, puis de passer sur le dos des ayants droit et de s'emparer de la place gagnée par l'ancienneté, les services d'un autre moins apparenté. À côté de ces parasites, travaillent silencieusement, longuement, leurs attachés de cabinet réels, les vrais fonctionnaires, ceux qui font leur carrière dans l'administration, ceux qui ont le souci de leurs fonctions, le respect de leurs charges, et font honneur à la responsabilité, lourde parfois, et méconnue du public, dont les autres, ceux qui passent, leur laissent le poids sans le moindre scrupule. À ces bons serviteurs de la nation, au cours de leur carrière laborieuse et loyale, il n'arrive jamais d'aventure comme celle dans laquelle ont sombré les éphémères attachés de cabinet du genre de Reynaud. Ce matin, par extraordinaire, ce ne fut pas la femme de ménage qui vint annoncer au jeune attaché que son café était servi. Ce fut un homme vêtu d'un ample manteau de voyage et coiffé d'un chapeau mou posé sur des cheveux noirs qui laissait, dans la pénombre des bords assez larges, apparaître, en plus noir encore, des sourcils épais et une moustache abondamment fournie. Surpris, le jeune Reynaud roula des yeux très étonnés et s'écria « Vous, monsieur Benhamol, à cette heure, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que nous courons un danger ?» Il se dressa sur son séant, attendit la réponse anxieusement. James Benhamol étendit la main et lui dit « Non, mon ami, j'ai seulement besoin de causer avec vous de certaines choses nouvelles de la plus haute importance. De quoi s'agit-il? Je vous le dirai, mais habillez-vous tout de suite. Peut-être serons-nous obligés de faire une course immédiatement. » Le jeune Reynaud, tout tremblant d'émotion, sauta en bas de son lit, disant « Deux minutes, je suis à vous. » Et il passa dans son cabinet de toilette. Par la porte entr'ouverte qui donnait sur sa chambre à coucher, il demanda encore « Rassurez-moi, rien de grave, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas brûlés. » Du tout, du tout. C'est seulement au sujet de documents complémentaires que j'ai besoin de causer avec vous. Nous aurons très vite fait. Habillez-vous promptement. » On entendit le clapotis de l'eau qui indiquait que le jeune Reynaud procédait à une toilette rapide. Pendant ce temps, James Benhamol faisait preuve de la plus inqualifiable indiscrétion. Se trouvant seul dans la chambre à coucher du jeune Reynaud, qui lui servait en même temps, si l'on peut ainsi dire, de cabinet de travail, il s'était mis à fouiller les tiroirs d'un vieux bureau en acajou. Il y prenait des papiers et, sans aucun scrupule, les enfouissait dans les poches de son ample manteau de voyage. Cette opération dura quelques minutes. Elle continuait quand le jeune Reynaud parut à la porte du cabinet de toilette. Sa stupéfaction, on le comprend, fut immense lorsqu'il surprit James Benhamol en train de fouiller dans son bureau. Il courut vivement à lui et essaya de l'éloigner du meuble. « Ah, mon cher, s'écria-t-il, cela dépasse toute imagination. Comment? Vous fouillez dans mes papiers, c'est d'une incorrection qui n'a pas de nom. » »« Je vous demande pardon, je regarde seulement. Il n'est pas dans nos conventions que vous ayez le droit de vous emparer ainsi des documents que je peux avoir ici, sans tout au moins traiter d'abord avec moi. » Il essaya encore de repousser James Benhamol, lui disant « Ces papiers appartiennent. » James Benhamol lui coupa la parole et acheva la phrase « appartiennent au ministère des Affaires étrangères. Or, vous n'avez pas plus, vous, le droit de les avoir chez vous que James Benhamol celui de vous les prendre. » Et disant ceci, James Benhamol, sans se soucier de la résistance du jeune Renault, s'empara de ses deux mains. Avec une rapidité contre laquelle le jeune attaché de ministère ne pouvait se défendre, il lui passa au poignet une gentille chaînette d'acier. D'un coup de tête, il jeta en arrière son chapeau, il enleva sa perruque, fit tomber ses sourcils et sa moustache. Le jeune Renault poussa un cri d'effroi. « Paulin Broquet !» Comme si ce nom jeté était un signal, deux hommes apparurent conduits par Gabriel. Derrière eux venaient le commissaire de police et le juge d'instruction. Le juge d'instruction montra au jeune Renault un ordre de perquisition en règle et un mandat d'arrêt. C'était la revanche de Paulin Broquet. La réplique heureuse à l'affaire du restaurant et du passage des petites écuries. Le jeune Renault était atterré. Il tremblait de tous ses membres et semblait sur le point de défaillir. Gabriel dut le soutenir pour l'empêcher de tomber. Toute résistance, maintenant, étant impossible, Paulin Broquet enleva des poignets du malheureux garçon la chaînette qu'il y avait passée. Les deux hommes de sa brigade lui prirent l'un le bras droit, l'autre le bras gauche, et le maintinrent ainsi. On le fit asseoir sur une chaise, et il assista absolument écroulé, navré, anéanti, à la perquisition que le juge d'instruction opéra chez lui. Il gardait la tête baissée sur la poitrine, ne trouvait pas la force de dire un mot, de se défendre. Le délit était tellement flagrant que toute dénégation était impossible. Une heure après, les magistrats, ayant fait un assez volumineux paquet de papiers, de lettres, recueillis chez lui, on se disposa à partir. Toute cette scène, qui s'était passée dans le plus grand silence, était absolument navrante. « Suivez-nous de bonne volonté, » dit Paulin Broquet au malheureux garçon, « et n'essayez pas de nous échapper ou de vouloir nous opposer de la résistance. Vous me mettriez dans la douloureuse obligation de vous passer encore les menottes. » Le jeune Renault se reprit un peu, il se leva. « Bien, monsieur, » dit-il, « je suis prêt à vous suivre. Mais comme il est probable que l'on me gardera assez longtemps loin de chez moi, voulez-vous me permettre de prendre ici un peu de linge et divers bibelots qui me sont nécessaires ?»« Faites, » dit Paulin Broquet. Lentement, ayant peine à marcher, tant l'émotion l'avait abattu, le jeune Renault se dirigea vers son armoire à linge. Il y prit quelques effets, des mouchoirs qu'il posa sur le lit pour en faire un paquet. Paulin Broquet et ses hommes ne le perdaient pas de vue. Le jeune Renault sauta brusquement vers sa table de nuit, il en ouvrit le tiroir, saisit son revolver et dit « Je rachète mon honneur !» Il pressa le canon de l'arme sur sa tempe, le coup de feu partit, mais la balle alla se loger dans le plafond de la pièce. Le jeune Renault eut seulement les cheveux brûlés, car Paulin Broquet, aussi prompt que lui, avait eu le temps de détourner l'arme. Il fit au malheureux garçon une torsion du poignet qui lui arracha un cri de douleur et l'obligea à laisser tomber à terre son revolver. « Je n'ai pas à déclarer ici, lui dit alors Paulin Broquet, que ce geste plaide en votre faveur et rachète votre conduite. J'ai seulement mission de vous amener vivant au parquet. Dès maintenant, vous êtes notre prisonnier, dont je réponds. Suivez-nous. » Quelques instants après, le jeune Renault descendait l'escalier, traversait le trottoir pour aller avec les policiers prendre place dans une voiture automobile qui attendait devant la porte. Et dans la foule accourue au coup de revolver, regardant anxieusement la maison, où l'on pensait qu'un drame s'était déroulé, Paulin Broquet eut la surprise d'apercevoir le masque énigmatique et cruellement railleur, les yeux de porcelaine d'un Japonais.